laboratoire Cresson et qui va vous parler des, probablement des méthodologies liées à la question de la marche en milieu urbain. J'ai ajouté un sous-titre au titre de mon intervention qui est « Des modes d'existence de la marche urbaine ». En fait, ce sous-titre-là va balayer l'ensemble de ce que je vais vous dire et j'espère que ce sous-titre va prendre du sens petit à petit jusqu'à la conclusion. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites remarques préliminaires. La première consistant en un constat très simple, remarquant que depuis quelques années, il y a énormément de choses qui sortent sur le thème de la marche, le thème de la marche en ville, soit en termes artistiques, soit en termes de sciences sociales en particulier, que très souvent on navigue entre deux postures, une qui est le propos personnel, quelle est mon expérience personnelle, d'un point de vue assez subjectif, et d'autre part, deuxième point de vue, le point de vue surplombant, essayant de faire de la marche une catégorie générique, se prêtant facilement à des généralisations. Alors, je vais essayer de proposer une alternative à ces deux positions. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'intéresse à la marche ordinaire du tout venant? Alors, quand je me pose cette question, je veux dire trois choses. Je veux dire le fait de mettre en œuvre et en avant un point de vue qui se veut le plus concret et effectif possible. Donc, lié à de l'expérience. Le terme expérience va bien sûr être central dans ce que je vous raconte. Le fait de s'intéresser à la vie quotidienne, la marche dans la vie de tous les jours, donc le quotidien, et puis le fait de travailler sur le milieu urbain, la ville, l'espace public. Deuxième remarque préliminaire, le fait que ce que je vais vous dire maintenant s'inscrit en fait dans un ensemble de travaux en fait, réalisés depuis pas mal d'années au Cresson. Des travaux qui viennent peut-être remonter à Ambiance sous la ville, ce qui était un travail mené avec un ensemble de chercheurs de Cresson, Grégoire Chelkoff, Parker Nero, Jean-Louis Bardouin, qui se trouve tous ici, en 1996, qui déjà essayait de mettre en œuvre une approche du déplacement dans les espaces souterrains, et puis plus récemment, une recherche vient de terminer sur l'observation et l'analyse d'un espace parisien, Variation sous la ville, donc c'est un rapport qui vient de sortir, mais aussi un ensemble de travaux en atelier avec des étudiants à l'école d'architecture à Grenoble et à Saint-Étienne depuis quelques années. Donc tout un ensemble d'éléments qui ont amené progressivement à une tentative, et je dis bien que c'est une tentative de formalisation de la démarche que je vais vous présenter, qui a été mise en œuvre essentiellement, et d'abord avant tout, dans le cadre d'une recherche, ANR qui vient de se terminer, qui se termine maintenant, qui s'appelle « Des villes qui marchent », qui a été pilotée par Yves Belquin, qui est ici, donc vous avez déjà eu l'occasion d'entendre, en collaboration avec le Cresson et d'autres équipes d'ailleurs. Les terrains d'études qui ont été travaillés en particulier étaient pour le côté grenoblois, l'île verte et l'Europol, pour ceux qui connaissent Grenoble, et puis il y avait aussi un terrain, il y avait deux terrains, surtout à Genève. Soldat Lavignino, qui était aussi ici, a participé bien sûr à coordonner le travail de recherche, en particulier au niveau de la Suisse. Donc, ce que je vous raconte, ce que je vais vous raconter à partir de maintenant, s'inscrit vraiment dans cette recherche qui se termine et qui était une tentative de proposition d'une approche concrète de la marche dans des quartiers urbains. Alors, toute petite précision là encore, qu'est-ce que ça veut dire de travailler sur la marche d'un point de vue empirique? Ça pose malgré tout des questions de fond en termes de méthodologie des sciences sociales. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est peut-être rapide et facile, mais je crois, et je suis convaincu que ce n'est pas du tout indifférent et anodin, que la marche se prête à un certain nombre d'associations, de prolongations qui renvoient très immédiatement à ce que c'est qu'une approche en sciences humaines et sociales. Ce que je veux dire par là, c'est que des termes comme démarche, approche, perspective sont des termes qui sont aussi pertinents pour parler de la marche que pour parler de l'acte même de production des connaissances dans le champ scientifique. Est-ce que la marche fonctionnerait alors comme un paradigme ou voire une métaphore de l'acte même de connaissance? Comment est-ce que connaître et marcher implique tous deux un processus de découverte, une activité consistant fondamentalement à articuler? Est-ce que la marche ne serait pas une bonne façon de réfléchir à ce que c'est que d'articuler dans tout type de connaissance, de production de connaissance? Donc je crois qu'il ne faut pas perdre de vue quand même cette double face de la marche. Rachel parlait dans son introduction de la marche objet et de la marche instrument. Moi, j'en rajouterais peut-être une troisième qui serait la marche processus. La marche comme processus de découverte. Ce qui va vouloir dire qu'il est nécessaire, je crois, de faire preuve d'inventivité en la matière et d'expérimenter de nouveaux dispositifs d'enquête pour essayer de saisir un objet, si objet est là, qui est glissant, comme ça a été dit à plusieurs reprises. Dernière remarque. On ne peut que constater au présent le fait que la thématique de la marche se développe en parallèle et en lien très fort avec celle des ambiances depuis très longtemps, depuis l'origine du Cresson. On peut rendre hommage encore à Jean-François Goyard qui, dès pas à pas, proposait un mode d'articulation particulier entre qu'est-ce que c'est que de marcher, qu'est-ce que c'est que de travailler sur des ambiances. Et c'est un petit peu le fil du propos que je poursuis ici, 30 ans après presque. C'est-à-dire comment est-ce que marche et ambiance jouent ensemble, se répondent ou s'alimentent mutuellement. Alors, en même temps, le propos que je vais tenir est assez modeste, puisqu'il s'agissait de proposer un dispositif ou un type d'enquête qui se voulait assez économique. Donc il ne s'agit pas, c'est pas de faire une enquête au long cours sur une période de temps énorme, dans un territoire extrêmement vaste. Il s'agissait de viser une économie de la démarche de recherche, tout en se donnant la possibilité de se poser malgré tout des questions de fond. J'espère que j'aurai l'occasion de montrer comment ces deux points ont tenté ou essayé d'être tenus malgré tout. Alors d'où je pars, quand je dis ce que je vais vous présenter, c'est une méthodologie qui est une méthodologie qui précisément prenait naissance dans le cadre de la recherche que j'ai évoquée à l'instant, hein, des villes qui marchent, où une des questions principales qui nous était posée était qu'est-ce qui fait marcher en ville, puisque le propos de cette recherche et l'objectif de la recherche, un de ceux-là en tout cas, consistait à dire, eh bien, la marche peut être quelque chose qui a interrogé du point de vue des stratégies de santé publique. Alors Rachel a évoqué aussi cette question tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire que la marche peut certainement poser des questions sur la manière de travailler sur des pathologies comme l'obésité ou autre type de problèmes. Donc une des questions qui se posait, c'est alors si marcher c'est bien en ville, bon, comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que les gens marchent plus, mieux, différemment, etc. En tout cas, qu'est-ce qui fait marcher? Qu'est-ce qui fait marcher? Autre élément du cadre qui paraît extrêmement important, ça a été souligné tout à l'heure par Henrik, qui paraît très important, le fait que ce travail-là a été mené dans le cadre d'une équipe de recherche au sein du Cresson, composée de 4 personnes, Martine Leroux, Rachel Thomas, Aurore Bonnet et moi-même. Et je crois l'occasion de le redire, que c'est au prix de ce collectif de recherche que le travail comme celui-là a pu être mené. Je crois qu'il n'aurait pas pu être fait seul. Donc j'insiste sur le caractère productif de la production des connaissances que je vous présente. Alors, pour faire bref, sur quoi est-ce que va s'appuyer cette démarche de terrain? Comment est-ce que par la marche, on va essayer de donner corps, le terme charnel a été proposé par Rachel à plusieurs reprises, comment est-ce qu'on va donner corps à la ville à partir de la marche? Et là, je propose un peu trois orientations, trois postures complémentaires qui devraient aider à comprendre le sens de ce qu'on a fait sur le terrain par la suite. Alors, première orientation, l'orientation des modalités. Alors, c'est pas nouveau, hein, je citais tout à l'heure Jean-Pierre Goyard, je crois qu'on lui doit très très très fortement en fait, cette approche modale, cette perspective modale dans une manière de faire du travail de terrain. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire concernant la marche que quand on regarde un petit peu ce qui a été produit, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que on a affaire à un certain nombre de figures de la marche. Alors, on pourrait évoquer ce qui était fait tout à l'heure, le flâneur nonchalant des passages parisiens, le nomade pressé des aéroports, internationaux si possible, le touriste curieux des centres historiques, le consommateur affairé des galeries marchandes, etc., etc. C'est-à-dire tout un ensemble de figures qui essayent de spécifier ce qu'il en est de la marche. Vous voyez, quand je dis figure, je dis déjà plus singulier, je dis déjà pluriel. Mais ce n'est pas seulement ça. Les travaux sur la marche ne se limitent pas à identifier des figures. On s'aperçoit qu'il existe aussi des types d'approches de la marche dans le champ des sciences humaines et sociales. Des approches qui vont mettre plutôt l'accent sur la marche comme action pratique. Qu'est-ce que c'est que de mettre un pied devant l'autre? Ou bien la marche comme expression habitante. Et là, bien sûr, on ne retrouve pas. Mais encore, la marche en termes d'interaction sociale. Comment est-ce qu'un citadin est confronté à autrui, à d'autres passants, et comment est-ce que le pas du passant est lui-même un support d'expression de la civilité en public, par exemple. Mais encore, la marche en termes d'histoire culturelle. Henrik en a parlé tout à l'heure. Donc vous voyez un deuxième point, non seulement des figures de marcheurs, mais encore des approches différentes au sein même des sciences humaines et sociales de la thématique de la marche en ligne. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est encore des usages même de la thématique de la marche qui sont différenciés. La marche peut être aussi bien une clé de lecture de l'expérience ordinaire des citadins, un enjeu d'aménagement des espaces publics, un instrument d'intervention artistique en milieu urbain, une préconisation en matière de santé publique, etc., etc. Donc vous voyez que quand on commence à rentrer dans le détail du menu, on s'aperçoit qu'on ne parle plus de marche avec un grand thème, mais avec, en parlant de la marche au pluriel, où là il s'agit en fait de spécifier des modalités, il s'agit en fait de prendre des marches dans leurs particularités. Donc premier point, première disons hypothèse générale, travailler sur des manières d'être en marche. Des manières d'être en marche, ce que je disais tout à l'heure en présentant le sous-titre, des modes d'existence de la marche urbaine. Deuxième position, deuxième élément de position, le fait que, pour aussi élémentaire qu'elle soit, la marche n'a de sens que rapportée à ses entours. On ne marche pas seul, isolé, indépendamment du contexte urbain dans lequel on se trouve, on va marcher selon tout un ensemble de paramètres variables, qui sont, par exemple, marcher selon le sol qu'on a sous les pieds, selon la présence d'autrui, selon l'ambiance que l'on traverse. Donc la marche ne consiste pas tant à se déplacer dans la ville, il s'agit moins de se déplacer qu'à s'embarquer avec elle. Ça veut dire quoi, du point de vue très concret, qu'on ne va pas séparer la marche de l'environnement qui l'informe et qui la rend effective. Étudier la marche, c'est aussi s'intéresser aux conditions à partir desquelles elle se déroule et devient possible. Donc, deuxième proposition, travailler sur le tissage entre la marche et l'ambulance, prendre la marche par le milieu. Troisième point, qui revient un petit peu à la remarque préliminaire, la marche processus. La marche procède d'une effectuation pratique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il s'agit moins d'en faire un objet figé, que d'une activité en train de se faire. C'est moins un état qu'un processus en acte. Marcher procède d'une dynamique sensorimotrice, mais pas seulement, impliquant une expérience corporelle. J'ai dit déjà lors des deux séminaires précédents, donc je ne vais pas trop y insister dessus. Mais ça veut dire que concrètement, quand on se pose la question est-ce qu'il est possible ou pas de travailler sur la marche, est-ce que la marche est un objet d'étude en tant que tel, ça veut dire aussi qu'il va falloir travailler sur des opérations de mise en marche des citadins qui essayent autant que possible, et je dis bien autant que possible, d'approcher ce processus en acte, un corps en devenir. Alors, si on rentre dans le détail maintenant de tout ça, là, je vais vous donner un peu l'orientation générale, en fait, de ce sur quoi on va s'appuyer. Trois marches d'approche, ou la marche aux trois personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on commence à regarder un peu ce qui existe en termes de méthodologie qualitative, souvent liée à l'observation, la description, l'analyse des espaces urbains en particulier, on a différents points de vue possibles. Alors, un point de vue qui est très souvent d'ailleurs négligé, voire critiqué, en tout cas assez difficilement mis en œuvre et affirmé comme tel, c'est le point de vue de la première personne. Le point de vue de la première personne consiste à dire le chercheur, les chercheurs, les enquêteurs qui travaillent sur un objet, en l'occurrence la marche ici, ou sur des terrains ou des quartiers urbains, ont eux-mêmes, bien évidemment, une expérience des terrains qu'ils étudient. Pourquoi, en fait, ne pas prendre acte de ce fait-là, qui est, au moment où on travaille sur un objet d'étude, on a une expérience de cet objet en tant qu'enquêteur ou que chercheur. Et donc, c'est ce que j'appellerais l'expérience à la première personne. Qu'est-ce qui se passe quand l'enquêteur lui-même, le chercheur lui-même, se saisit de sa propre expérience du terrain? Donc là, on a affaire à une expérience personnelle, on va voir qu'elle n'est pas complètement personnelle non plus, et qu'il existe plusieurs formules, plusieurs protocoles, plusieurs démarches pour rendre compte de cette démarche à la première personne. Ça peut être des parcours en aveugle, peut-être qu'on les fait depuis longtemps ou récemment. Ça peut être des journaux de bord qui sont tenus par l'enquêteur ou l'ethnographe. Ça peut être aussi des dérives photographiques, peut-être que je vais vous les présenter tout à l'heure. Donc, premier point, le fait de se dire, à minima, la moindre des choses que l'on puisse faire, c'est au moins restituer son propre travail d'imprégnation, d'acclimatation, d'immersion du terrain. Nous ne sommes pas des chercheurs distancés de l'objet, c'était un travail, la marche en particulier, donc il va falloir à un moment donné prendre acte du fait que cette expérience à la première personne existe. Deuxième point de vue, à la deuxième personne, c'est compliqué, qu'est-ce qui se passe en tout quand je marche en tant qu'enquêteur, mais quand l'autre, le passant que je croise, me parle de son expérience de la marche. Donc là, on va avoir accès à des paroles habitantes. Et là, on a tout un appareillage de techniques d'enquête, hein, de protocoles de longue date au Cresson et ailleurs, dans le champ des sciences sociales, consistant à essayer de travailler la parole habitante. Alors, on peut simplement citer les parcours commentés, les itinéraires, on parlera peut-être, j'arrive cet après-midi. Que je vais vous présenter là, c'est quelque chose de beaucoup plus économique et de beaucoup plus modeste, peut-être, en termes de recueil de corpus, qu'est-ce qu'on pourrait appeler des séquences accompagnées. Et puis, troisième personne, bien sûr, j'ai une expérience du terrain, l'autre, l'habitant, a une expérience du terrain qu'il peut me délivrer, mais encore, cette expérience, je peux la saisir quand j'observe simplement des conduites. Ce n'est plus la parole de l'habitant qui devient mon corpus, mes données, mais c'est en fait ce que je peux voir, des conduites observables sur le terrain. Je vais sur place et je ne fais qu'observer ce qui se passe. Donc là encore, tout en ensemble, une batterie de techniques, je ne vais pas les passer en revue, des observations de type ethnographique, des enregistrements vidéo, etc., etc., mais aussi ce que je vais vous proposer d'appeler des reconductions de parcours. Donc là, le dispositif est très simple. Comment travailler sur la marche en faisant varier des points de vue et en s'appuyant sur quelques principes de base qui est une mise en marche de l'enquête. Si on travaille sur la marche à minima, et là je ne vais pas avoir le temps de développer cette dimension-là qui, à mon sens, un propos extrêmement important dans cette proposition-là qui est comment tenir une démarche analogique en matière de marche, si on dit la marche existante, si on a des difficultés à saisir la marche, c'est précisément qu'elle a tendance à nous échapper, ou en tout cas qu'il va falloir être même de la reconduire dans le protocole même qu'on met en œuvre pour essayer d'en parler. Démarche analogique, donc, consiste à dire, eh bien, si marche il y a, alors on dit, on va nous-mêmes se mettre en marche. Donc l'enquête va être une enquête en marche. Pour le jeu, pour le but, pour le lieu. Vous allez voir, hein, ces trois propositions, idées photographiques, c'est quand s'accompagner et reconduire par cours la mise en œuvre de postures de marche. Il s'agisse d'explorer, d'accompagner ou bien de suivre. Dans les trois cas, on a bien à faire à des marches en œuvre. Deuxième élément, le fait non seulement de se mettre en marche au cours de l'enquête, mais de mettre en mots. La question de Jean-Yves Petitot tout à l'heure, est-ce qu'on fait des récits? Est-ce qu'il y a des récits? Est-ce qu'il y a des paroles? Et bien là, l'idée c'est de se dire, malgré tout, et c'est en même temps en Paris, et en même temps des limites du travail, comment mettre en mots une expérience de la marche qui procède aussi d'une expérience qu'on va qualifier dans, si on se réfère à de la phénoménologie par exemple, à une expérience antéprédicative, pré-réflexive, c'est-à-dire des éléments de l'expérience qui sont des expériences immédiates, corporelles, avant même qu'on puisse mettre des mots dessus. Malgré tout, on peut bien travailler sur quelque chose, alors on pourrait travailler sur des photographies, sur des vidéos, etc. Le propos, là, donc, je fais l'hypothèse, c'est de travailler sur des récits, ou en tout cas une mise en mots des expériences. Donc là encore, des profils différents de mise en mots, de description pour la première personne, d'entretien pour la deuxième, et de récit à la troisième personne. Et puis le dernier point, donc mise en marche des enquêtes, mise en mots des parcours, mise en perspective des expériences. Troisième point, mise en perspective des expériences veut dire quoi? Veut dire, eh bien, dans tous les cas, on va proposer un dispositif qui se veut dialogique. Quand je marche, je suis toujours en situation de négociation, de discussion, de confrontation, de mise en commun de l'expérience de l'autre. Ça, c'est vrai encore pour les trois personnes. C'est vrai pour la première personne, parce que quand je marche, je vais être amené à discuter avec mes collègues, Martin Leroux, Rachel Thomas, Aurore Bonnet, de leur propre expérience. Et donc là, c'est plus mon expérience subjective qui va être mise en œuvre, ça va être aussi la discussion que j'ai avec le collectif de recherche, et en particulier la capacité d'un quartier, d'un terrain, d'un espace urbain à faire œuvre d'assentiment ou au contraire de divergence quant à l'expérience qu'on peut avoir sur le terrain. Donc c'est moi, pas plus moi tout seul en tant qu'enquêteur ou chercheur, c'est moi confronté à l'expérience de mes collègues. Et c'est pareil pour la perspective de la troisième personne, c'est plus moi tout seul, c'est moi dans la relation qui s'établit avec l'habitant, qui me délivre un certain nombre d'éléments de son expérience, et qui est d'autant plus intéressante que les passants que je vais interroger et rencontrer sont différents. Des habitants, des simples passants, des visiteurs occasionnels, etc., etc. Mais c'est vrai aussi pour la troisième personne. Quand il va s'agir de suivre un certain nombre de personnes dans la rue, je vais confronter le rythme, la démarche, le pas de la personne, du passant que je suis en train de suivre, à la mienne. En quoi est-ce que ma propre expérience en tant que chercheur ou que marcheur va être à rapporter à celle de l'autre? Et comment est-ce que je vais avoir à ajuster mon propre pas d'observateur à celui de l'habitant que je suis en train d'observer? Donc dans tous les cas, on a bien affaire à une démarche qui se veut d'ordre dialogique, au sens où s'il s'agit bien de mettre en mots une expérience qui est une expérience d'ordre corporel, cette mise en mots me devient un peu possible dans la mesure où précisément j'ai besoin de l'autre pour m'aider à le faire. Alors, si on rentre dans le détail de ces trois points, qu'est-ce qui se passe pour la démarche à la première personne? Quand je marche, donc l'idée c'est d'aller de proposer un dispositif d'enquête extrêmement souple et économique, j'insiste sur le terme économique, hein. Ce ne sont pas des enquêtes de longue durée, mais au contraire, des enquêtes qui se veulent les plus productives possibles, entre guillemets. Des lits photographiques, donc, l'idée c'est, prenant un terrain donné, Europol à Grenoble, ou l'île Verte, ou d'autres terrains à Genève, et bien, première chose, on va avoir à prendre connaissance, à s'immerger, à s'acclimater en tant que chercheur des terrains qu'on va être amené à étudier. Donc l'idée, c'est de mettre son corps au service, à disposition du site qu'on va avoir étudié. Donc là, c'est quasiment, avec beaucoup de rectifications, la technique de la dérive, le situationnisme, on a cité tout à l'heure les situationnistes, là, c'est un peu différent, bien que la posture soit un peu la même. Je n'ai pas d'objectif précis, je n'ai pas une intentionnalité précise sur le terrain, si ce n'est d'explorer, de m'immerger et de mettre mon corps au service de l'espace que je suis en train d'explorer dans sa capacité à mobiliser la marche. Donc je me laisse aller aux sollicitations du terrain et je vais en même temps, et là il faut bien recueillir quelque chose, je vais recueillir au moins deux choses. D'une part, des enregistrements, des impressions, je vais commenter ma propre expérience, alors soit par écrit, soit en prenant des notes, soit en m'enregistrant, mais peu importe, mais différentes techniques de recueil d'une expérience originale et originaire sur le terrain d'étude, en même temps que je vais prendre un certain nombre de photographies pour telle ou telle raison, ont du sens, m'intéressent, en tout cas captent mon attention. Donc première exploration, qui aboutit à quoi? Qui aboutit à un ensemble de données. Alors là, je vais vous présenter, je vais prendre un peu comme fil conducteur de l'ensemble du propos, le terrain de l'île verte, que vous connaissez sans doute pour les Grenoblois. Alors, qu'est-ce qu'on recueille? On va recueillir quoi? On va recueillir le tracé, déjà, des parcours. Là, j'en ai signifié trois couleurs différentes. On va recueillir des commentaires et des descriptions. Je vous en ai donné deux, une de chaque côté. Et puis, on va recueillir un ensemble de photographies. Trois types de données, il va s'agir de travailler et de lire, et de lire à plusieurs. Ce qu'on peut dire déjà, tout simplement sur des choses extrêmement basiques, c'est que ce protocole-là, le protocole lui-même d'enquête, dit déjà des choses, ou révèle déjà des choses du terrain lui-même. Je vais vous le montrer tout à l'heure dans un exemple, mais le fait par exemple que toutes les rues d'Hilbert ne sont pas explorées. Certains espaces, certaines rues, certaines portions de territoire nous conduisent plus facilement à eux, ou au contraire, nous excluent plus facilement. Donc le protocole lui-même va nous dire des choses sur la capacité qu'on peut avoir à couvrir un territoire, ou l'attrait que peut avoir certaines portions de ce territoire à se prêter à la visite ou à la peine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données? Et là, je vais en fait reprendre un ensemble de choses en les remaniant à ma sauce. Donc, Rachel sera là pour reprendre, parce que c'est Rachel qui a fait ce travail de reprise de ce corpus à la première personne. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh bien, je vais vous prendre un exemple. Je ne vais pas avoir le temps d'exposer en détail l'ensemble des résultats. Donc, à chaque fois, je prendrai un exemple. C'est là de voir comment, à partir de l'exemple, on peut décliner ces types d'analyses. Un exemple qui est un phénomène qu'on va appeler l'infiltration, et qui est un exemple de ce qu'on pourrait peut-être appeler des types de marches, peut-être qu'on va les voir apparaître. Et en tout cas, ce type d'approche à la première personne nous donne accès peut-être à ce que moi je propose d'appeler, je ne sais pas si Rachel sera d'accord, mais ça c'est l'objet peut-être de la discussion par la suite, des affections de la marche, c'est-à-dire comment est-ce que des types de marches différentes mobilisent, actualisent, reconduisent des propriétés particulières de l'environnement sensible dans lequel on se trouve. Alors, exemple, pour ceux qui connaissent, l'île verte, un quartier assez résidentiel, beaucoup de petites maisons individuelles et un ensemble de petites rues, pas seulement, mais dans certaines portions du territoire, un ensemble de petites rues, qui sont liés à ce type de photographie, qui montrent un petit peu le type de quartier de terrain. Et bien, quand on commence à regarder les propos que nous avons tenus nous-mêmes en tant qu'explorateurs de ces terrains-là, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit d'une chose, que d'une part, qu'une des lignes, celle qui est en jaune, va éviter scrupuleusement de rentrer dans ce territoire. Phénomène d'évitement de notre part, qui n'est pas intentionnel, qui n'est pas voulu au départ, il se trouve que c'est ça. Et quand on regarde le commentaire, on le trouve, mon parcours est essentiellement périphérique, les rues rayonnantes de l'univers ne m'ont pas attiré, elles ont moyen une sensation d'incongruité, de passage à découvert. Mais c'est pas seulement ça, on s'aperçoit dans une autre dérive que le propos c'est l'embarras pour des photographies. Je me trouve dans une rue comme celle-là. Eh bien, mon exercice consiste à dire je vais quand même prendre des photos de mes cheminements, en fait, ce n'était pas si facilement, en tout cas pose question, pose problème, le sentiment d'être épié, que quelqu'un met peut-être derrière les rideaux tirés, etc. Mais encore, autre dérive, autre remarque, je passe devant une maison dans ce type de configuration urbaine et je ne passe pas inaperçu puisqu'on a un chien commence à me voyer, on a repéré ma fréquence, etc., etc. Donc vous voyez sur un exemple élémentaire comme celui-ci, comment est-ce que simplement la mise en œuvre de la démarche de terrain même, la mise en œuvre de la dérive photographique, va être déjà un révélateur du quartier, du terrain, dans la capacité qu'il a à me laisser prendre, m'immerger de ce quartier-là à partir de cette technique-là. Donc on va effectivement essayer d'identifier un certain nombre de phénomènes qu'on va appeler, pour le coup, et que Rachel a proposé d'appeler des types de marches, articulés à ce que Rachel appelle des descripteurs, ce que moi je proposerais de baptiser des régulateurs, ou peu importe, peut-être des mots. Mais là, on a abouti à quoi ? On a abouti à un ensemble de qualifications, de démarches, la glisse, la fuite, le piétinement, conduite, infiltration, etc., etc. Donc, un ensemble de démarches qu'on peut spécifier selon les quartiers, selon les terrains, puisque ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que mettant notre corps à disposition d'un terrain, on est bien sûr dans une posture particulière, peut-être de l'ordre d'une flânerie, on pourrait apparenter à la flânerie, mais qui en même temps nous amène et nous conduit selon les terrains à modifier cette posture de départ pour effectivement s'acclimater à ce qui se passe. C'est-à-dire que quand je suis à l'aéroport autonome, la flânerie très vite elle disparaît parce que je suis confronté à des flux rapides, etc. etc. Donc, tentative d'identifier les types de marches selon les terrains, mais ces types de marches prennent d'autant plus de sens qu'on va pouvoir aussi montrer comment est-ce qu'il existe des descripteurs ou des régulateurs de la marche. Alors on pourrait appeler, là encore, on pourrait essayer de nommer, tenter de nommer des attracteurs, des diffuseurs, inhibiteurs, suspensifs, c'est-à-dire tout un ensemble de configurations sensibles, de contextes sensibles qui vont avoir un efficace au moins sensorimoteur, sur mon pas, mon propre pas. Qu'est-ce qui fait que dans tel ou tel contexte, je vais accélérer, je suis attiré par tel endroit, je suis repoussé par tel autre, je vais m'arrêter ou pas, etc., etc. Et vous voyez que dans cet exemple-là de l'infiltration, on est typiquement dans un cas où le contexte lui-même, c'est-à-dire que se prête à cette posture, cette démarche, ce phénomène d'infiltration, Je suis exposé au regard de l'autre, je suis pas indemne de la présence, de ma propre présence dans le quartier, voire je suis peut-être amené à certains moments à m'en rendre compte. Quand on fait cette expérience-là, on peut être interpellé à certains moments par l'habitant, en disant tiens, vous prenez une photo là, vous êtes en train de mener une enquête, vous êtes transformé le quartier, etc. etc. Hein? Donc tout un ensemble de phénomènes qui ont trait à des phénomènes sensibles qui nous conduisent précisément à moduler notre démarche et à faire émerger précisément le type de démarche possible en œuvre dans le quartier. Donc, premier type de résultat, voilà, première tentative de lexique. Rachel rappelait tout à l'heure que peut-être une des choses qui est importante quand on travaille sur la marche, c'est de mettre en place des lexiques, des vocabulaires pour être à même de parler de la marche. Alors voilà la première tentative. Deuxième personne, qu'est-ce qui se passe quand maintenant c'est l'autre qui s'adresse à moi, ou en tout cas qui me parle? Alors quand je dis l'autre, c'est qui? L'autre, c'est le passant que je vais capter sur les lieux. Donc je vais sur place. On avait mis en place dans l'étude des terrains à Grenoble et à Genève des points particuliers des quartiers à partir desquels on pouvait demander à des passants de nous faire part de leur expérience. Donc on avait identifié des points. Et on demandait concrètement aux gens qui passaient. Alors, les gens qui passaient, ça pouvait être des habitants vivant à côté, des commerçants, des visiteurs, etc. De les accompagner dans leur trajet en cours et de leur demander de commenter l'expérience qu'ils ont de leur déplacement et cheminement quotidien. Alors là encore, ce protocole-là déjà nous dit quelque chose de la nature du quartier sur lequel on travaille en termes de marge. On s'aperçoit que certains quartiers se prêtent plus facilement à l'arrêt des personnes que l'on sollicite. Certains quartiers, au contraire, les gens sont pressés, n'ont pas de temps, moins de temps, bien sûr ça dépend des heures, etc. Mais on a déjà un révélateur dans le dispositif d'enquête lui-même, un révélateur de ce que c'est que la marche, ou ce que c'est que des conduites de marche dans tel ou tel quartier. Donc on va demander à des gens de nous restituer leur expérience des cheminements. Parfois, les personnes que l'on interroge utilisent le trajet qu'on fait avec elles pour faire un détour, pour nous montrer quelque chose, pour donc utilise le trajet lui-même comme un support du commentaire. Parfois, l'enquête se fait à l'arrêt. Une personne dit bah, « oui, j'ai bien 5 minutes, mais je vous réponds maintenant, je ne veux pas que vous m'accompagniez, etc. etc. » Ben, différentes façons de répondre à la demande qu'on peut avoir. Et on recueille quoi ? On recueille en fait un ensemble de commentaires, un ensemble de propos relatifs au cheminement des gens dans les quartiers qu'on étudie. Alors ça se traduit comment ? Ça se traduit par, j'ai mis quelques citations, il ne s'agit pas de les lire, mais des propos et des types de commentaires assez diversifiés, assez hétérogènes et assez complémentaires. Parfois c'est de l'ordre de l'image, par exemple très souvent quand on demande aux gens un univers, alors c'est quoi l'univers pour vous, comment est-ce que vous l'habitez, etc. Il y a des images vont apparaître, c'est un village, un ville, c'est un quartier privilégié, c'est, etc., etc. Et puis on va avoir des souvenirs. Ah, je me rappelle que j'habitais là, j'avais 30 ans, etc., etc. C'était pas pareil, c'était pas bon. Ou bien des sensations, ou bien des problèmes. Ben, quand je dois travailler ce carrefour-là, ça ne va vraiment pas, etc. Ou bien encore des habitudes, ah oui, tous les jours. Donc là, tout un ensemble de propos qui ne prennent du sens qu'à partir du moment où il y en a beaucoup, même si les entretiens durent peu de temps, généralement, hein, ce ne sont pas des entretiens de longue durée, en général, ce sont des entretiens assez brefs, variables, mais relativement brefs. Par contre, répétés, de nombreuses fois, ils prennent vraiment du sens et ils commencent à dresser un tableau ou toile de fond de la perception qu'on peut avoir du quartier sur lequel on travaille, du point de vue de la marche en particulier. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Là encore, tout l'ensemble de textes hein, qui sont retranscrits, qui sont mis à plat, des textes qui vont être étudiés par le biais de ce qu'on pourrait appeler, ce que je proposerais d'appeler des régimes de la marche, c'est-à-dire des motifs de marcher ou des intentions de marcher relatifs à un agencement de conditions. Ça peut paraître très abstrait tout ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on recueille ces propos, on va avoir des données extrêmement diverses et extrêmement hétérogènes sur le terrain. Sur les conditions climatiques, dans quelles conditions on marche, fait beau, pas beau, c'est pas pareil, la longueur du trajet, ben, je dois aller dans le commerce d'à côté ou bien le centre-ville, ou même plus loin. Le tram est-il à proximité? S'il y a des bus, loin ou pas? Est-ce que j'ai beaucoup de temps pour marcher ou pas? Quelle est la morphologie? Quelles sont les aménités? Est-ce qu'il y a des bancs pour m'arrêter? Est-ce que j'ai une connaissance du quartier? Tout un ensemble de données très très diverses. Et on s'aperçoit que ces données-là, à chaque fois, dans le propos des habitants, très systématiquement en tout cas, se combinent, se conjuguent dans un agencement particulier qui fait qu'une personne va choisir de marcher ou de ne pas marcher, mais va aussi marcher d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Donc comment? Alors je vous ai donné un exemple. Alors voilà un des régimes de la marche, marcher en connaissance de cause. Là on a affaire à un habitant, donc des habitants qui connaissent bien l'univers et qui vont, compte tenu de leurs connaissances, anticiper les connaissances et les conséquences de leur marche. C'est par exemple une personne qui nous dit, bien moi quand je dois revenir chez moi du centre-ville, je vais avoir tendance à couper. Je vais passer par les parcs. Ça me paraît plus aller plus vite, c'est plus agréable en tout cas, etc. Donc des techniques ou des stratégies quasiment de parcours précisément liées à la connaissance qu'on peut avoir d'un terrain. Mais c'est pas seulement ça. C'est en particulier un certain de personnes âgées, et il y en a à l'hiver, vous imaginez, de personnes âgées qui nous disent leur expérience de la marche. Qui nous disent, ben moi quand je dois faire mes courses, j'ai un problème physique, je ne peux pas marcher longtemps, etc. Donc, ce que je fais, c'est que je vais faire mes courses en plusieurs fois. Je vais sectionner mes parcours. Je vais m'arrêter régulièrement, ou je m'y reprends en plusieurs reprises. Donc il y a des arrêts nécessaires, il y a des pauses, il y a des sections. Ou bien encore, une même personne âgée qui va nous dire, et moi ce que je fais, c'est que j'ai un problème physique et je sais que je peux être à tout moment confronté à ce problème d'âge, de tomber, etc. Donc ce qui m'importe, c'est de marcher à proximité des commerces. Donc je vais longer un côté de la ville plutôt que de l'autre, parce que je sais qu'il y a les commerces, que si j'ai un problème, je vais pouvoir être aidé, solliciter des commerçants que je connais par ailleurs. Donc tout un ensemble de propos qui sont à même d'anticiper les conséquences des choix, des trajets, des parcours. Et là, on a affaire à un régime qu'on va appeler le régime consistant à marcher en connaissance de cause. Mais ce n'est pas le seul. On s'aperçoit qu'il y a d'autres logiques de mise en d'agencement en fait, de l'ensemble de ces éléments liés au quartier pour marcher ou pas et d'une certaine manière. Alors, on va avoir comme ça tout un ensemble de registres qui ne sont sans doute pas exhaustifs. Marcher pour plaisir, en connaissance de cause, j'en ai parlé, pas n'importe où, à certaines conditions, selon l'occasion, à l'habitude, etc. Dans tous les cas, on a un agencement d'éléments contextuels hétérogènes qui prennent du sens dans ces types, dans ces intentionnalités-là de marche. Troisième et dernier point de vue sur la marche, le hill, il s'agit donc de reconduction de parcours. Eh bien, on se met en posture de suivre des passants sur place, du regard ou à distance, et à distance respectable, et essayer de restituer leur parcours. Alors, première observation, on s'aperçoit que, là encore, que ce scène du protocole nous dit déjà quelque chose du caractère public et urbain de l'espace sur lequel on travaille. C'est le cas par exemple à Genève, où on avait un quartier extrêmement exposé, lié beaucoup à de l'habitat, où la présence de l'étranger était très très facilement repérée, et quand on allait sur place, on se voyait très difficilement suivre les rares habitants qui se trouvaient sur place, parce que là on était tout de suite susceptible d'être interpellé ou soupçonné, ou en tout cas incongru. Donc on voit que les conditions mêmes de réalisation des protocoles disent quelque chose de la nature du quartier, de la nature publique du quartier, de la nature d'accessibilité du quartier, de la nature d'anonymat du passant dans le quartier. Donc là, on va encore suivre un certain nombre de personnes et on va essayer de restituer leur parcours, au moins par deux choses, à la fois par une mise en plan, une mise en tracé cartographique du parcours, si possible le plus précisément possible, et puis une mise en récit. Des observations qui ont été faites. Donc on va essayer de décrire dans le détail autant que possible les faits, gestes, allures, rencontres, activités, événements, tout ce qu'on a pu observer dans les conduites observables des personnes qui passaient. Donc, tout un ensemble de séquences, un début, une fin. Voilà, une jeune fille arrive et puis elle va repartir jusqu'à ce qu'elle sorte du quartier en question. Et puis un ensemble de tracés cartographiques qui sont aussi des supports de travail et d'analyse. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Là encore, tout un ensemble de propos, vous voyez que tout toujours mis en récit, hein, toujours texte, en tout cas toujours verbe, on va travailler sur, et c'est là, je m'en remets à Martin Leroux, qui a travaillé précisément sur ce corpus-là, donc là encore, on aura l'occasion peut-être d'en discuter, hein, c'est l'idée de travailler sur ce qu'on pourrait appeler des inclinations, c'est-à-dire des tendances motrices en situation. Exemple d'une vieille dame qui, à l'île verte, passe le pont qui vient de la tronche, donc en haut de l'île verte, et qui va être amenée à passer sur le pont, puis à traverser, etc. Et on s'aperçoit que son attitude, un certain nombre d'éléments de son attitude, de comportement observable, vont nous montrer un changement d'inclination. C'est-à-dire qu'au départ, elle est dans une posture d'une attitude motrice de prudence, liée aussi à un cheminement qu'on va pouvoir qualifier de perpendiculaire. Et puis, on va poursuivre le cheminement et on va s'apercevoir que là, cette personne âgée qui avait une inclination à la prudence en haut du pont de l'île verte va se rendre progressivement disponible parce qu'elle elle commence à arriver sur l'avenue du Maréchal Rondeau où se trouvent les commerces, elle va avoir tendance à s'arrêter, à jeter des coups d'œil aux commerces, etc. Et donc elle va modifier son attitude sensorimotrice par rapport à l'espace dans lequel elle se trouve. Donc ces conduites observables nous donnent accès à tout un ensemble de données très, très riches, qu'il faut là encore essayer de synthétiser et d'articuler, à la fois des tracés qu'on va pouvoir qualifier, comment des portions de parcours qu'on a observés sont de l'ordre du linéaire, du crémé, du zigzag, etc. Martine a mis en place ton vocabulaire pour rendre compte de ces parcours-là, mais c'est non seulement le tracé, ce sont les interactions. Qu'est-ce qui se passe quand il y a croisement de deux personnes, rencontre, évidemment. Qu'est-ce qui se passe dans le rapport à l'aménagement lui-même? Est-ce qu'il est gênant, est-ce confortable, est-ce contraint, fluide, etc. Et comment est-ce que tous ces éléments-là, combinés ensemble, là encore, se composent pour, vous voyez, à un ensemble d'inclinations qu'on va essayer de, là encore, de qualifier, empressé, déterminé, imprévisible, préoccupé, hésitant, disponible, etc., etc., qui sont en fait des façons de montrer comment est-ce qu'une intentionnalité corporelle, je marche, donc je vais quelque part, se spécifie dans des manières d'être particulières, dans des conduites motrices, des esquisses motrices particulières. Donc là, on est vraiment sur le registre du corporel. Donc vous voyez à chaque fois comment est-ce que on arrive à trois entrées qui nous disent eh bien il est possible de, d'essayer en tout cas de tenter d'avoir une lecture des territoires urbains, alors pour nous là c'était des quartiers, certains quartiers urbains, en termes de marche, qu'est-ce que nous dit cette technique d'enquête, ce dispositif d'enquête quand on approche les quartiers de cette façon-là, et en particulier, qu'est-ce qu'elle nous dit des ambiances. Alors, premier point, ce dispositif-là, c'est un dispositif qui a été reconduit sur plusieurs terrains, donc qui est reconductible, qui est reproductible, qui est transférable. Avec les précautions que j'ai indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire que selon le type de quartier auquel on va faire, on s'aperçoit que les méthodologies, les protocoles proposés vont être plus ou moins possibles. Donc un protocole qu'on va pouvoir appliquer, et l'idée c'est de mettre en place un ensemble de lexiques, on en parlait donc tout à l'heure des affections, des régimes, des inclinations, des lexiques qui sont des lexiques utilisables, pertinents pour l'ensemble des quartiers et des terrains qu'on peut étudier ou qu'on peut avoir à étudier, à cela près que selon les territoires, certains phénomènes apparaissent ou n'apparaissent pas, ont une intensité, une force, ou au contraire sont extrêmement ténus, etc., etc. Donc on aurait comme ça une grille, une proposition, une tentative, il ne s'agit pas de boucler les choses bien au contraire, mais en tout cas une première tentative de mise en place d'un lexique essayant de qualifier les terrains et d'être suffisamment ouvert en même temps pour proposer des qualifications, quels que soient les terrains, ou en tout cas pour une diversité de terrains. Deuxième point de conclusion, vous voyez bien qu'il s'agit en fin de compte de partir à la recherche de ce qu'on peut appeler des opérateurs. C'est-à-dire, non plus la marge, mais comment et dans quelles conditions est-ce que la marge va s'actualiser, se moduler, s'altérer. Donc d'une certaine manière, cette méthodologie-là essaye de travailler sur ce qu'on peut appeler des formes, des degrés d'emprise des ambiances. À quel moment, dans quelles conditions, jusqu'à quel point, à quelle intensité, est-ce que l'ambiance d'un quartier, d'une portion de quartier, intervient dans la façon de marcher, dans l'envie que j'ai de marcher, dans les manières de marcher, etc. Donc il s'agit de dire aussi que toutes les ambiances ne sont pas équivalentes à la marche, que certaines sont plus effectives que d'autres, ou sont plus présentes que d'autres. Dernier point, je terminerai là. Si on prend un peu du champ, par rapport à cette proposition dispositif, je crois que le fait de travailler sur la marche pose une question de fond, qui est qu'est-ce que c'est que d'habiter en passant? Qu'est-ce que c'est que d'habiter la ville en passant? Et il me semble que l'intérêt de la marche, mais peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être ouvert à d'autres modalités de l'action ou d'autres thématiques de recherche, c'est le fait qu'on ne saisit plus l'expérience dans la ville ou de la ville, mais avec la ville. Donc là, on a un changement, il me semble, un changement important consistant à se dire marcher c'est quoi, habiter la ville en passant c'est quoi, c'est accompagner. D'abord avant tout, accompagner le monde urbain en train de se faire. Donc je n'ai plus l'objet en face de moi, je suis moi-même partie prenante de la ville qui est en train de se transformer. Une citation, pour terminer, j'arrêterai là, d'un anthropologue anglais, Tim Ingold, qui restitue très bien, on a bien le sens de cette conclusion. En habitant le monde, on n'agit pas sur lui, on ne fait pas des choses au monde. Bien plutôt, nous nous embarquons avec lui. Nos actions ne transforment pas le monde, elles sont une partie et une parcelle du monde en train de se transformer lui-même. Donc voilà un petit avis pour les architectes et les urbanistes. Voilà, je vous remercie.